Yeah. Track. El Nino. Essence musique. Yeah. Donne-moi une semaine. Yeah. Yeah. À la passe, lui il vient du sud et moi de la campagne. On s'est rencontrés en compète, depuis sur nos morceaux on s'accompagne. Tous les deux amateurs de gym, de rimes tu piges. L'apparition de l'apogée entre deux grands prodiges. Faut lui faire vibrer les enseignes pour te présenter le concept. On se concerte, deux mois, une semaine, projet devient complexe. Pas pour habitude de freiner quand les difficultés s'amènent. Yeah, ramène ton studio pour poser la semaine. J'prends de la vitesse, pressé que ça atterrisse dans vos oreilles. Deux mois d'écriture pour vos rêves. Un projet de fou en une semaine, on tient les rênes. Car c'est là-bas que ça se passe, qu'on est dans notre aide. Viens te faire la même bouche si tu ferais un troupeau tienne. J'gratte des feuilles jusqu'à m'en choper des crampes. Lazik m'a pris un otage, m'a foutu le stylo sur la tempe. Alors j'trappe ma plume pour écrire, j'n'ai plus beaucoup de temps. Nos lyrics vont percer les barres, font crever les tympans. Radia, hip hop et punchline à la Marseillaise, yes, stop. C'est un braquage vocal typiquement iconais. Ils connaissent la puissance de frappe de nos disques. En fait, ils nous voient comme s'ils apercevaient une pique. En fait, mes techniques, j'me balade sur le beat, un peu comme Zidane. Depuis que j'voyage dans mes écrits, on me prend pour un Zigane. Zigzag entre les mots car mes faces font du slalom. J'laisse des marques dans le rap comme mes crocs sur une pomme. Où j'étais timide, timide, elle est terminée. Non-stop. Je kick, à n'en plus pouvoir respirer. La proche, je lui ai fait des gosses par centaines. J'ai un flow paternel alors que j'ai à peine la vingtaine. On fait trembler les baffles, on fait des ravages. Nos couplets portent des balles avant le départ. Yeah, caractère endurci, la vie m'a fait des coups de crasse. J'ai aiguisé mes lyrics pour donner le coup de rage. Le vide évite les bides, le vide dans les salles. Quand je kick le mic, je connais bien toutes mes initiales. Donne-moi un beat et un pic et je te ferai un truc sale. Pour moi la musique est un trip petit mais bien trop crucial. Comme un cowboy, moi je porte un stylo à la ceinture. Je me sers de l'écriture pour éclairer des moments obscurs. Je viens dégainer mon beat avant que mon heure sonne. J'écris sur des feuilles OCB pour que mes textes consomment. Style atypique, pick up à mes gars, c'est dans les anciens. Musique, qu'on se dope pour être en état d'envoyer des gimmicks. Prétentieux, non, on ne l'est pas quand on est devant le mic. C'est pour kicker jusqu'à en perdre. Je change de langue de rythme pour éviter que ça te lasse. Je suis pas là pour la frime, ni pour les liasses, c'est pour la rime. Dès que mon poteau arrive, la femme de sa vie serait un micro. Ils partageront tout des mots, des caresses et des microbes. Même en reggae, j'arrive à lancer les hostilités. Donne-moi un mic et j'animerai des festivités. Un maximum de style pour faire chauffer la salle. Mandal, ingé, ces micros sont tous bouffés par nos corps vocales. Sur du rap ou du chant, depuis nos débuts on est restés les mêmes, rien ne change. Track, Nino, deux mois d'écriture, une semaine de rap. Prends ce morceau comme le ballon de Messi quand il donne une grosse frappe.